j'aurai fini de saigner, je laisserai le vent tout dévaster, je laisserai les souvenirs de côté, je m'accouplerai au son pour oublier. Quand j'aurai fini de saigner, je me demanderai si tes cheveux sont défaits, si tu es toujours aussi belle, si tes sourires sont toujours des merveilles. Quand j'aurai fini de saigner, peut-être que tu ne sauras plus que tu me hais, peut-être que tu voudras encore m'embrasser entre l'arrêt de bus et ton entrée. Quand j'aurai fini de saigner, peut-être que tu te seras remarié avec un bel homme grand et raffiné qui t'aimera même quand tu l'auras pillé. Quand j'aurai fini de saigner, il y aura peut-être de l'eau à nos pieds, il n'y aura plus de terre pour marcher, je n'aurai plus le cœur à t'aimer. Quand j'aurai fini de saigner, on aura les lèvres tellement usées, le cœur tellement lassé qu'on restera seul avant de crever.